Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 15 février une couronne mortuaire devant le cercueil de Lee Ho-yong, académicien, professeur, docteur et chercheur à la filiale de Hamon de l'Académie nationale des sciences, en signe de ses profondes condoléances.